Chant 23e. Silencieux et seul à travers la carrière, nous allions tous les deux, lui devant, moi derrière. Tels les frères mineurs s'en vont par les chemins. Je songeais, l'âme encore par leur rixe agitée, à la fable jadis par Ésope inventée, où la grenouille au rat tant de méchants engins. Si n'a pas avec lui de rapport plus semblable, que ne m'en paraissait offrir avec la fable le prélude et la fin du combat des démons. Et comme une pensée en amène plus d'une, de ma première idée, une idée importune, naquit et redoubla ma peur et mes frissons. C'est à cause de nous que ces démons, pensais-je, se sont laissés berner et sont tombés au piège. Le tour a dû leur cuire et froisser leur orgueil. Si leur malice encore s'accroît de leur colère, ils vont courir, suivant nos traces par derrière, plus acharnés sur nous qu'un chien sur un chevreuil. Tous mes cheveux déjà se dressaient sur ma tête. J'avais l'œil par derrière et je dis « Maître, arrête! Si tu ne ris ici à nous cacher tous deux, sur le champ nous serons dans les griffes. J'en tremble! J'entends sur nos talons tous les démons ensemble. Déjà je sens leurs crocs. Maître, j'ai tant peur d'eux. » Si j'étais le cristal d'un miroir, dit le sage, je ne pourrais vraiment réfléchir ton image. Plutôt que dans ton cœur, je ne pénètre et lis. Avec les mêmes traits, avec les mêmes formes, tes pensées et les miens se mêlaient si conformes que j'ai pris de nous deux un seul et même avis. Si cette côte à droite, assez avant incline, que nous puissions descendre la fosse voisine, aux terribles chasseurs nous saurons échapper. Il n'avait pas fini sa phrase suspendue que déjà les démons venaient l'aile étendue, à quelques pas de nous, tout prêts à nous frapper. Mon guide sur le champ me prend, ses lances volent. Telle une mère au bruit s'éveille et, comme folle, en voyant l'incendie autour d'elle éclater, prend son fils dans ses bras et s'enfuit toute blême. Ayant plus de soucis de lui que d'elle-même, elle court demi-nue et va sans s'arrêter. Du sommet de la rive escarpée et glissante, mon maître s'abandonne à la roche pendante qui ferme un des côtés du barâtre voisin. Comme une onde qui coule en jaillissant de source et qui dans ses conduits précipite sa course, au moment d'approcher des aubes d'un moulin, plus rapide il glissait du haut de la colline, en me tenant toujours serré sur sa poitrine, non comme un compagnon, mais comme un fils chéri. À peine il eut touché le lit de la vallée, sur le haut du coteau, la bande rassemblée parut, mais nous étions désormais à l'abri. Car l'être tout-puissant qui, dans sa providence, du cinquième fossé leur commit la vengeance, ne leur a pas donné le pouvoir d'en sortir. Là je vis une foule à la figure peinte, qui faisait à pas lents tout le tour de l'enceinte, pleurant et paraissant harassée à mourir. Ils portaient une chape, un capuchon énorme leur tombait sur les yeux. Telle et de même forme, on en voit à Cologne, aux moines mal vêtus. Le dessus était d'or, mais ses mantes cruelles dessous étaient de plomb, si lourdes qu'auprès d'elles, celles de Frédéric n'étaient que des fétus. Oh, l'écrasant manteau pour la vie éternelle! Prenant à gauche auprès de la jante criminelle, nous marchions attentifs à son gémissement. Se traînant sous le poids, ces malheureuses ombres allaient si lentement le long des parois sombres que nous changions de fil à chaque mouvement. Et je dis à mon guide, « Oh, trouve, je t'en prie, une ombre que je sache, ou le nom ou la vie, et tout en avançant, porte partout tes yeux. » Un pêcheur entendant l'accent de la patrie cria derrière nous, « Arrêtez, je vous prie, vous qui courez ainsi dans ces terres nébuleux. Je puis à ton désir satisfaire peut-être. » À ces mots se tournant, « Attends-le, dit mon maître, et puis règle tes pas sur les siens en marchant. » Je m'arrête et je vois un couple qui s'empresse, les yeux tendus vers nous et montrant grande presse, mais le pied lourd et lent, sous le bois trébuchant. Quand ils nous eurent rejoints, ils se mirent l'œil louche à me considérer, avant que de leur bouche un seul mot ne sortît, puis se parlant entre eux. L'un des deux est vivant, vois-le comme il respire, et par quelle faveur, s'ils sont de notre empire, sauront-ils dégager du manteau douloureux. Puis vers moi se tournant, ô Toscan qui visite la corporation des mornes hypocrites, quel homme es-tu? Dis-le, tu nous rendrais contents. Je suis né, j'ai grandi, leur dis-je tout tranquille, sur les bords du beau fleuve Arno, dans la grande ville, je porte ici le corps que j'eus depuis ce temps. Mais vous-même, ô vous dont je vois la souffrance, distillez sur vos traits des pleurs en abondance, quel est donc ce tourment qui vous fait resplendir? S'échappe, répond l'un, sont d'or en apparence, mais dessous c'est du plomb, et comme une balance, nous craquons sous le poids qui nous force à gémir. À Bologne autrefois, nous étions joyeux frères, ta ville nous choisit au milieu de ses guerres, tous deux, moi Catalan, et lui, Lodéringo. Isolé des parties, la cité confiante, où commettez sa paix, la fime brillante, comme on en voit encore la marque Urgardango. Moine aux mots, ce fut tout ce que je pus dire. Un homme était gisant sur le sol, ô martyr, cloué sur une croix, par trois pales attachées. Cette ombre à mon aspect se tordit convulsive, et soufflant dans sa barbe et soupirant plaintive. Catalan l'aperçut, et s'étant approché, me dit, ce transpercé qui gît là contre terre, dit aux pharisiens qu'il était nécessaire de mettre un homme à mort pour le salut commun. En travers du chemin, jeté nu sous la foule, ainsi que tu le vois, en passant on le foule, et le malheureux sait ce que pèse chacun. De son beau-père aussi cette fosse est l'asile. Il subit ce martyre avec tout le concile, dont l'odieux arrêt fut aux Juifs si fatal. Virgile contemplait, s'étonnant dans son âme, la misérable croix où gisait l'ombre infâme, carcan d'ignominie en l'exil infernal. Ensuite il adressa ses paroles aux frères. Apprends-nous, s'il te plaît, sans nous être contraires, s'il existe une issue à droite où tous les deux nous puissions échapper à ces lieux redoutables, pour n'être pas réduits à recourir au diable, ange noir dont l'appui me paraît hasardeux. Catalan répondit, il existe une roche plus près que tu ne crois. C'est comme un pont tout proche qui va sur les fossés depuis le grand mur rond. Ici, le roc brisé roula dans la carrière, mais vous pourrez gravir des décombres de pierre qui gisent sur la pente et recouvrent le fond. Virgile s'arrêta, les yeux fixés à terre, et dit avec dépit, « Mal nous comptait l'affaire, ce démon qui là-bas harponne le pécheur. » À Bologne autrefois, reprend l'ombre coupable, j'ai souvent entendu parler des tours du diable. On le traitait surtout de fourbe et de menteur. Mon guide alors partit à grands pas, un nuage avait comme assombri son calme et doux visage, et quittant les pêcheurs sous la chape meurtrie, je partis après lui, suivant ses pas chéris.